Thank you. Je vais te dire, un grand, un fait, je suis juste. Eurydice. Eurydice. Thank you. Thank you. Je la perds sans retour.